tu dis si je te dis que comme un enfant je crie la nuit? Tous mes vieux fantômes viennent me pleurer une chanson que j'avais oubliée. Je les vois qui ouvrent ma porte. Ma mère me crie que tout ça n'est rien. J'ai peur de la nuit. J'ai peur de la nuit. J'ai peur de la nuit. Les points et la fièvre qui me monte, ces méchants rêves font partie de ma vie. Je ne peux te demander de les partager aussi. Ils griffent les murs de ma chambre. Je sais qu'ils viennent séparer nos mains. J'ai peur de la nuit. J'ai peur de la nuit. J'ai peur de la nuit. J'ai peur de la nuit. J'ai peur de la nuit. J'ai peur de la nuit. J'ai peur de la nuit.